إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المسلمون الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش بين متناقضات قد لا توجد مجتمعة أبدا بل إذا جاء أحدهما زال الآخر في أمر عجيب يدل على إحكام صنع الله الذي أتقن كل شيء قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون أيها الناس شيئان لا يجتمعان في أمر واحد قط الحزن والفرح الحزن والفرح اللذان جبر الله عليهما بني آدم الفرح الذي يعبر عنه في جوارح الإنسان بالابتسامة بل ربما بلغت الفرحة ببعضهم من الضحك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم رحمهم الله تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم بل ربما غلب الفرح ببعضهم حتى أبكاه فيبكي من شدة الفرح والفرح أيها الإخوة الكرام صفة كمال في البشر وهو قبل ذلك صفة لله سبحانه وتعالى وهي في غاية الكمال وأعلاه على ما يليق به سبحانه وتعالى قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها ينتظر الموت فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح شكر بيضا الله Craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Notre Seigneur dit dans le Coran et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, l'homme vit ici-bas entre plusieurs choses opposées qui ne sont jamais réunies. Lorsque l'un est présent, l'autre est forcément absent. Cela prouve la perfection de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et son excellence. Allah nous dit dans le Coran, et il y a des signes en vous-même, n'observez-vous donc pas. Deux choses ne pouvant être présentes au même moment, la joie et la tristesse. La joie et la tristesse sur lesquelles Allah azza wa jalla a créé les enfants d'Adam. La joie qui se traduit corporellement par le sourire. La joie peut même atteindre chez certains le rire. La mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, nous dit « Je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plonger dans le rire au point de faire voir sa nuette. Il ne faisait que sourire sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. » Certains même arrivent à pleurer de joie. La joie est un caractère de perfection chez l'homme, mais avant cela, c'est un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala au sommet de la perfection d'une manière adaptée à sa grandeur et à son excellence. Allah nous dit dans le Coran, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Dans les deux sahihs, au Bukhari et au Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah est plus content du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent que l'un d'entre vous qui était sur sa monture dans un désert. Puis sa monture s'enfuit en emportant sa nourriture et sa boisson. Il désespéra alors de la retrouver, se dirigea vers un arbre et se coucha sous son ombre en ayant perdu tout espoir de revoir sa monture. Et pendant qu'il était ainsi, voilà que sa monture vint se tenir debout devant lui. Il attrapa alors sa bride, puis dit à cause de son contentement, « Ô Seigneur, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Il commit cette erreur à cause de sa grande joie. » Ibn Allah. إن الفرح الحقيقي هو الفرح الدائم الفرح الذي لا يزول الفرح الذي يسعد به أهله وهم في زيادة منه إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى وما أحوجنا أيها الإخوة الكرام أن نتذكر بأفراحنا في هذه الدنيا بلاد الأفراح التي تنتظر المؤمن يوم القيامة أتدرون ما بلاد الأفراح التي لا حزن فيها ولا كدر إنها جنة المأوى يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسباب نعم أهل الجنة هم في فرح ولكن ليس كفرحنا وهم في سعادة ليس كسعادتنا الجنة أيها المؤمنون لها أبواب كما أن لبيوتكم أبوابا ولكن الجنة تختلف في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وأبواب الجنة ليست كأبواب أهل الدنيا ففي صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهجر في البحرين أو مكة وبصرى في سوريا وفي رواية وليأتين عليه يعني على الباب يوم وهو كظيم من الزحام ولئن كان الناس في هذه الدنيا يتنافسون في البنيان وجماله وارتفاعه فإن لأهل الجنة منازل ودرجات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة وفي الصحيحين أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المغرب والمشرق لتفاضل ما بينهم فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين شاوز المح Le vrai bonheur, celui qui ne disparaît pas, le bonheur qui rend les gens heureux, et ce bonheur augmente par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons besoin, chers musulmans, lorsqu'un bonheur nous atteint ici-bas, de nous rappeler le bonheur du, le bonheur qui attend le croyant le jour de la résurrection. Connaissez-vous la demeure du bonheur dans lequel il n'y a aucune tristesse ni aucun débit? C'est le jardin du refuge de la Jumawa. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il nous dit il n'y a rien au paradis ici-bas sauf les noms. Parce que vous voyez dans le Coran, Allah Azza wa Jal vous décrit le paradis, qui vous cite qu'il y a de l'eau, qui vous cite qu'il y a du lait, qui vous cite qu'il y a des femmes, etc. Toutes ces choses-là ne sont que des noms, mais il n'y a rien au paradis de ce qu'il y a ici-bas, sauf les noms, comme le dit Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Donc les gens du paradis seront dans un bonheur, mais qui n'est pas comme le bonheur ici-bas. Ils seront dans une joie, mais qui n'est pas comme la joie de même entre nous ici-bas. Le paradis a des portes, comme vos maisons ont des portes, sauf que le paradis est différent. Dans son Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toutes les fois que l'un d'entre vous fait ses ablutions avec le plus grand soin, puis il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste que l'un de mes traduits en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager et son serviteur, aussitôt les 8 portes du paradis lui sont ouvertes et il y entre par celle qu'il veut. Les portes du paradis ne sont pas comme les portes ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, la distance qui sépare les deux vantaux des portes du paradis est égale à celle qui sépare la Mecque et Najaf de Bahreïn, et celle qui sépare la Mecque de Bousra en Syrie, rapportée par Al-Bukhari au Muslim. Et dans une autre version, malgré la grande distance qu'il y a entre les deux vantaux des portes, il nous dit, il y aura un jour, ou bien viendra un jour, où ils seront bondés à cause de la foule. Et les gens ici-bas se concurrencent dans la construction de leur maison, dans l'embellissement de leur maison et dans son bonheur et élévation. Et les habitants du paradis également possèdent des demeures et des degrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme cela est rapporté dans Al-Bukhari, Allah a préparé au paradis 100 degrés consacrés à ceux qui combattent à son service. La distance qui sépare un degré de la nôtre est équivalente à la distance qui sépare le ciel et la terre. Lorsque vous demandez à Allah, demandez-lui le Firdaws al-A'la, car c'est le meilleur endroit du paradis et le plus haut endroit du paradis. Au-dessus de lui se trouve le trône du miséricordieux et de lui jaillissent les sources du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, les habitants du paradis verront les habitants des chambres supérieures comme ils verront l'étoile brillante apparaître à l'horizon de l'est ou de l'ouest. Ils diront, les compagnons, ô prophète, ce sont les demeures des prophètes, personne ne peut les atteindre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondra à ses compagnons aussi, celui qui détient mon âme dans sa main, il y aura parmi eux des hommes qui ont cru en Allah et aux messagers rapportés par le Bukhari et Muslim. Ayyuhal mu'minun. Quand on a parlé maintenant, manazil a'la sukkan al-jannah. Amma adna al-jannati fiha, فروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى عليه السلام ربه فقال ما أدنى أهل الجنة منزلة قال الله عز وجل رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من الدنيا فيقول رضيت رب فيقول الله عز وجل له هذا لك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة ربي رضيت فيقول الله عز وجل هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك هذا أدنى رجل في الجنة فيقول ربي رضيت قال موسى ربي فما أعلاه منزلة قال الله عز وجل أولئك الذين أردت غرس كرماتهم بيدي وخدمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر لقلب بشر وتصديق ذلك قول الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وروى مسلم أيضا والبخاري كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة خروجا منها إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها أو آخر أهل الجنة دخولا فيها رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيقول وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال الراوي فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحك حتى بدن واجده فكان يقول ذلك أدنى للجنة منزلا شفر السير Quant au plus bas degré du paradis, il est rapporté dans son frère Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Moussa alayhi salam a demandé à son Seigneur et lui a dit « Quel est celui qui a le plus bas degré des gens du paradis ?» Allah lui a répondu en lui disant « C'est un homme qui va venir après que les gens du paradis soient entrés dedans et on va lui dire « Rentre au paradis. » Il dira « Ô Seigneur, comment puis-je rentrer alors que les gens sont tous dans leur demeure et ont pris ce qu'ils devaient prendre. » Il lui sera alors dit « Serais-tu satisfait de posséder ce que possède un roi dans la vie d'ici-bas ?» L'homme dira « Je suis satisfait de cela, ô Seigneur. » Allah Azza wa Jalla lui dira « Tu as cela, son équivalent, et encore une fois son équivalent. » Et à la cinquième fois, il dira « Je suis satisfait de cela, ô Seigneur. » Allah Azza wa Jalla lui dira « Ceci est à toi, et 10 fois son équivalent. Tu as tout ce que tu désires et réjouis ton œil. » L'homme dira alors « Je suis satisfait, ô Seigneur. » Moussa alayhi salam a dit « Seigneur, et quels sont ceux qui ont le plus haut degré ?» Allah Azza wa Jalla lui a dit « Ceux-là sont ceux que j'ai voulu. J'ai planté leur récompense de ma propre main et j'ai mis sur elle un cachet. Ils auront ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun être humain n'a imaginé. » Et la confirmation de cela, la parole d'Allah Azza wa Jalla dans surat Sajda, aucune âme ne sait ce qui lui a été réservé comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et dans les deux recueils authentiques, et Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, je connais bien celui qui sortira le dernier de l'enfer et qui entrera le dernier au paradis. C'est un homme qui sortira de l'enfer en rampant. Et Allah Azza wa Jalla lui dira « Entre au paradis. » L'homme s'y rentrera et ayant l'impression que le paradis est plein, il retournera dire à Allah « Seigneur, je l'ai trouvé plein. » Allah Azza wa Jalla lui dira « Va et entre au paradis. » L'homme s'y rendra de nouveau et ayant toujours l'impression qu'il est plein, il retournera dire à Allah « Seigneur, je l'ai trouvé plein. » Va, lui dit Allah, et entre au paradis, tu y auras ce qui équivaut au bien ici-bas et 10 fois plus encore. L'homme dira alors « Tu te moques de moi, toi qui es le souverain, maître. » Réplique dira l'homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, via alors à gorge déployée, et on disait que cet homme occuperait le rang le plus inférieur parmi les bienheureux du paradis. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-Azim li wa lakum wa lisa'ir al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عباد الله لئن كان الإنسان في الدنيا لا يقوى أن يأكل فوق طاقته أو يتنعم فوق جهده فإن أهل الجنة أعلى من ذلك فإنهم يستوعبون ما أعد لهم من النعيم لكمال حياتهم وضخامة أجسامهم وتوافر قواهم ومع ذلك لا يبولون ولا يتغوطون روى الإمام أحمد والنسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا القاسم ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ويقول اليهودي لأصحابه إن أقر لي بهذا خصمته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع فقال اليهودي فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك فإذا البطن قد ضمر وروى مسلم مرفوعا يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يتبخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس والناس بأفراحهم في الدنيا يلتقون بأحبابهم وأصحابهم وإن أهل الجنة في الجنة يلتقون كذلك بأحبابهم وإخوانهم يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك تهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون لأهلهم وأنتم كذلك والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا رواه مسلم. Chers musulmans, l'homme ici-bas est incapable de manger et de boire au-dessus de sa capacité ou prendre du plaisir au-dessus de ses forces. Sachez que les habitants du paradis sont supérieurs à cela. Ils peuvent tout accueillir de ce qu'Allah Azza wa Jalla a préparé pour eux grâce à leur vie complète et leur immense corpulence. En plus de cela, ils n'oublient pas et ne vont pas à la selle. L'imam Ahmed et l'imam Nasa'i rapportent qu'un juif est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Oh Abu Qasim, tu prétends que les gens du paradis y mangeront et y boiront ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un homme des occupants du paradis aura une force égale à celle de 100 hommes par rapport au manger, au boire et au plaisir sexuel. » Le juif dit alors « Mais celui qui mange et boit éprouve nécessairement le besoin humain. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira alors « Ce besoin sera une sueur qui coule sur sa peau à l'odeur du musc et cela entraînera un brusque dégonflement de son ventre. » Et dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Les habitants du paradis y mangent et y boivent sans pourtant avoir ni défécation, ni mort, ni urine. Mais leur manger ne provoque chez eux que des ronds ayant le parfum du musc. Allah leur inspire les formules suivantes « Subhanallah et Allahu Akbar » comme il leur inspire leur respiration. Et les gens, ici-bas, dans leur occasion de bonheur, ils rencontrent leurs amis et les gens qu'ils aiment. Et ainsi, au paradis, les gens du paradis rencontreront leurs frères et les gens qu'ils aiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a au paradis un marché où les gens viennent le vendredi. À ce moment, souffle un vent du nord qui jette une poussière sur leur visage et leurs vêtements. Leur beauté en devient plus resplendissante. Ils retournent alors auprès de leurs épouses et les trouvent elles aussi plus belles et plus resplendissantes. Leurs épouses leur disent « Wallahi, vous êtes devenus plus beaux et plus resplendissants » et ils leur disent « Vous aussi, Wallahi, vous êtes devenus plus belles et plus resplendissantes » Le hadith est rapporté par Muslim. Ibadallah. « Via les jannati fil jannati, tasrun wa rina'un wa ladda » Rawahu Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط وإن مما يغنين به نهم خيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعيان وإن مما يغنين به نهم الخالدات فلا يمتن نهم الآمنات فلا يخفن نهم المقيمات فلا يظهرن رواه الطبراني في الصغير والأوسط. وإن كان الناس في الدنيا يفرون من حر الشمس ولهيبها فإن في الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وإن كان الناس في الدنيا يتسابقون في الفيء والظل في الدنيا فإن في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها متفق عليه. أيها المؤمنون، هذا نعيم الجنة وهذا وصفه، ولكن الفرحة التي فوق هذا كله ما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. شاء مسلم chant et au plaisir. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu a dit que les épouses au paradis chantent à l'intention de leur époux avec les plus belles voix jamais entendues. Et de leur chant, ils diront: nous sommes les bonnes, les belles, aux honorables époux, à obéir, à l'obéir, rassérénés. Et ils disent également: nous sommes les immortels qui ne connaissent plus le mort, les sereines qui ne connaissent plus peur, et les installés fixes qui ne connaissent nul départ, rapporté par At-Tabarani ou Fis-Sahih. Et les gens ici-bas fuient la chaleur du soleil et la canicule. Allah Azza wa Jalla dit en parlant du paradis: la yarawna fiha shamsan wa la zamhariya. Et ils n'y verront ni soleil ni froid glacial. Et les gens cherchent l'ombre ici-bas lorsqu'il fait chaud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il existe au paradis un arbre à l'ombre duquel un chevalier peut marcher pendant 100 ans sans jamais en sortir, rapporté par le Bukhari et le Muslim. Donc voilà brièvement, et nous avons délaissé énormément de hadiths, le bonheur des gens du paradis. Mais il y a un bonheur supérieur à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par le Bukhari et le Muslim, nous dit: quand les habitants du paradis s'y rendront et les habitants de l'enfer rejoindront l'enfer, on ramènera la mort jusqu'à mi-chemin entre le paradis et l'enfer et on l'égorgera. Puis on appellera et on dira: ô gens du paradis, éternité et plus de mort. Khuloud nous la mort. Ô habitants de l'enfer, khuloud nous la mort. Éternité et plus de mort. Les habitants du paradis ajouteront une autre joie à leur joie et les gens de l'enfer une autre tristesse à leur tristesse. Et voilà. إن أهل الجنة إذا نالوا ما نالوا يناديهم الله بصوت يعرفونه فيقول: يا أهل الجنة إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه. فيقولون: يا رب ألم تدخلنا الجنة وتجرنا من النار؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيطلع الله إليهم فما رأوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم وسماع صوته. رواه مسلم. Chers serviteurs d'Allah, les gens du paradis, après avoir obtenu ce qu'ils ont obtenu, Allah Azza wa Jalla les appellera d'une voix qu'ils reconnaîtront et il leur dira: ô gens du paradis, vous avez rendez-vous avec votre Seigneur pour m'acquitter d'une chose. Ils diront: laquelle? N'as-tu pas chargé nos balances de bonnes actions, blanchi nos visages, puis tu nous as fait entrer au paradis et nous as préservé de l'enfer? Allah dira de nouveau: vous avez rendez-vous avec votre Seigneur pour m'acquitter d'une chose. Et voilà qu'on retirera le voile entre les gens du paradis et leur Seigneur, et ils verront donc Allah Azza wa Jalla, et donc il ne leur a été jamais donné ou bien accordé une chose aussi désirée et aussi grandiose que sa vision. Le hadith est rapporté par Muslim. ومع هذا كله مع ما سمعتم وما تعرفونه من أوصاف الجنة فإن كثيرا من الناس يأبون من دخول الجنة ولا يرغبون فيها وهم في ذلك في تمام عقولهم وكمال أجسامهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها الناس، ما منا من أحد إلا وهو يريد الجنة، ولكن الأعمال تصدق هذه الإرادة أو تكذبها. كيف نريد الجنة ولم نعمل ما يوصلنا إليها؟ يقول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. أيها الناس، كثير منا يقول: إن رحمة الله واسعة، فمهما فعلت من المعاصي والذنوب فإن رحمة الله تشملني وسأدخل الجنة قطعا. لا تنسوا أن الله عز وجل يقول في كتابه: نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الذي يريد رحمة الله لا بد أن يؤمن بالنبي وأن يتقي الله عز وجل. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث دل على وجوب العمل لذلك مغفرة الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي وغيره. Chers musulmans, malgré tout ce que vous pouvez entendre comme hadith décrivant le paradis, beaucoup de gens refusent d'entrer au paradis et détestent cela. Des gens doués de toute leur faculté mentale et dotés de toute leur force corporelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a dit à ses compagnons: vous entrez tous au paradis sauf celui qui le refuse. Les compagnons radiallahu anhu dirent alors: et qui refuse cela au prophète? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit aura alors refusé, rapporté par les Bukhari. Donc chacun d'entre nous ici présents désire le paradis. Mais sachez que les œuvres sont preuves de nos désirs. On ne peut prétendre vouloir le paradis sans œuvrer. Donc comment désirer le paradis sans accomplir les œuvres qui nous mènent au paradis? Et beaucoup disent: la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla est vaste. C'est vrai que la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla est vaste, mais il ne faut pas compter entièrement sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous rentrons au paradis par la miséricorde d'Allah, mais les œuvres sont cause d'entrer au paradis. Nous devons le jannata bima kuntum ta'malun, entrer au paradis grâce aux choses que vous faisiez. Azza wa Jalla dit dans le Coran: informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur et le très miséricordieux, et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Et il dit également: ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde. Donc il faut forcément croire au messager et craindre Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez, et qu'il vous le pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite que l'entrée au paradis parmi les causes des œuvres. Sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: ô les gens, répandez le salut, nourrissez ceux qui ont faim et priez la nuit lorsque les autres dorment, vous irez au paradis en paix, rapporté par At-Tirmidhi. Sallallahu ta'ala bi asma'il husna. On s'est fait une ula. أن يجعلنا من الجنة، اللهم اجعلنا من الجنة، اللهم اجعلنا من الجنة، اللهم اغفر الجنة بغير حساب ولا عذاب يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب الناس أذهب البأس، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان الذين يساعدون هذا المسجد، اللهم تقبل منهم صدقاتهم، اللهم تقبل منهم صدقاتهم وجهودهم يا رب العالمين، واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. الإخوان في مسجد الكلمات، اللهم عجل لهم إتمام بناء مسجدهم، اللهم عجل لهم مسجدهم، اللهم عجل لهم إتمام مسجدهم يا رب العالمين، اللهم فرحهم بالصلاة في مسجدهم، اللهم فرحهم بالعبادة في مسجدهم يا رب العالمين، واجعل كل ذلك خالصا لوجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.